Intéressons-nous aujourd'hui à Drifter tome 2 intitulé Veillée, disponible chez Glena Comics depuis le 13 janvier 2016. Nous avions chroniqué sur Comic Stories le premier tome sorti l'année dernière lors de la première vague de titres du nouveau Glena Comics. Un premier tome qui nous avait plutôt emballé et qui nous avait surtout laissé plein de questions. Comme pour le premier tome, on retrouve Ivan Brandon au scénario, qui est surtout connu pour avoir travaillé sur la série Viking en 2009 chez Image Comics. Il a également, avec Nick Klein, travaillé sur Doc Savage. Et puis, ils ont lancé ensemble Drifter. Nick Klein est donc toujours au dessin pour ce deuxième tome. C'est un artiste allemand qui a travaillé sur en tant qu'illustrateur pour Microsoft notamment, qui a fait pas mal de couvertures pour les comics. Il a travaillé sur Dancer ou encore chez Marvel sur Captain America et Thor. Rappelez-vous, dans le tome 1, nous faisions la connaissance d'Abraham Pollux qui se crachait sur une planète mystérieuse avec son vaisseau et qui allait partir à la découverte de cette planète et rapidement tomber dans un monde qui est loin d'être un havre de paix et qui ne va pas forcément l'accueillir à bras ouverts. On est toujours dans la deuxième partie, dans une ambiance effectivement space opera mais également western. C'était déjà ressenti fortement dans le premier tome et ça continue évidemment dans ce deuxième volume. Deuxième volume dans lequel Abraham Pollux va décider de retourner sur les lieux du crash de son vaisseau pour essayer de comprendre un peu comment il en est arrivé là, où est-ce qu'il est, et essayer d'avoir des réponses à ses questions tout simplement. Et des réponses aux questions, on aimerait bien nous aussi en avoir. Le premier tome nous avait laissé plein de questions. On espérait y trouver des réponses, en tout cas j'espérais y trouver des réponses dans la suite. C'est pas le cas du tout, clairement. Le récit est même de plus en plus mystérieux, parfois même alambiqué. On n'obtient pas de réponse, on a encore plus de questions. Et le scénario est parfois un peu difficile à suivre, c'est moins qu'on puisse dire. À la fin de la lecture de ce tome 2, je me suis juste posé la question, mais où est-ce qu'Ivan Brandon veut aller ? Et est-ce qu'il le sait lui-même ? C'est assez déroutant, j'étais obligé de relire plusieurs fois certains passages pour être sûr de bien avoir compris, et même en l'ayant fait plusieurs fois, je ne suis pas sûr de tout avoir compris. Alors j'aime bien ne pas avoir toutes les clés de lecture, toutes les clés de compréhension dès le début, dès les premiers volumes, et là on en est quand même à la fin du deuxième, et on n'a aucune idée de l'orientation à venir du titre, malgré effectivement quelques rebondissements qui arrivent en toute fin de tome et qui réussissent à nous accrocher et à nous faire dire « Bah oui, je reviendrai pour le troisième tome », mais c'est vraiment grâce à ce cliff de fin. Ivan Brandon prend vraiment le risque de perdre pas mal de lecteurs au passage avec cette écriture vraiment, vraiment peu claire, confuse. Quelque chose en tout cas qui ne fait aucun doute et qui ne cause aucun trouble chez moi, c'est le talent de Nick Klein, qui nous signe comme dans le premier tome. Déjà, on avait souligné dans le premier tome la qualité de ses dessins, mais alors là, je crois que c'est encore un cran au-dessus. On a des créations au niveau notamment de la faune de cette planète. Les paysages sont tout aussi bien travaillés, les jeux de lumière également, surtout qu'une grande partie de ce deuxième arc se situe sous terre, donc voilà, le dessinateur se fait vraiment plaisir avec les jeux de lumière, avec les ambiances un petit peu sombres, très particulières de cette planète. Donc la déception que j'ai pu ressentir sur le scénario a été largement comblée par le dessin. Côté édition, c'est du Glena Comics, c'est donc du bel ouvrage, un bel objet, toujours aussi soigné au niveau de la couverture, de la présentation, le papier de grande qualité. On a quelques bonus à la fin, surtout des galeries de couverture et quelques travaux préparatoires. Le tome 3 arrive cet automne, l'automne 2016. Si vous avez aimé le tome 1 de Drifter, clairement vous risquez de vous laisser embarquer dans ce tome 2. Si déjà le premier volume vous avez un peu repoussé, c'est pas la peine clairement d'aller tenter l'expérience et de poursuivre, vous serez encore plus perdu. Pour terminer, la note de ce tome 2, une note fortement augmentée par la prestation de Nick Klein au dessin et par la qualité de l'édition. Si on fait la moyenne des trois critères scénario, dessin, édition, on arrive, comme vous le voyez sur l'article, à la note moyenne de 14 sur 20, ce qui est une bonne note, mais attention, je le rappelle, à pondérer par le 17 que j'ai mis au dessin de Nick Klein et le 11 seulement pour le scénario, note donc plutôt moyenne. N'hésitez pas vous aussi à donner votre note au tome 2 de Drifter sur comicstories.fr et à nous laisser votre avis en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine review.